Le 17 novembre. Cher papa Faucheux, fâcheux incident dans ma carrière littéraire. Je ne sais pas si je dois vous en parler ou non, mais j'aurais besoin d'un peu de sympathie, d'une sympathie muette, s'il vous plaît. Ne rouvrez pas ma blessure dans votre prochaine lettre. J'ai passé à écrire un livre toutes mes soirées de l'hiver dernier et tous mes moments de l'été qui n'étaient pas consacrés à apprendre le latin à mes deux petites sottes d'élèves. Je l'ai fini juste pour la rentrée du collège et je l'ai envoyé à un éditeur. Celui-ci l'a gardé pendant 2 mois et j'étais sûre qu'il allait l'accepter. Mais hier matin, un commissionnaire m'a apporté un paquet, 30 cents à payer. Et voilà mon livre revenu avec une lettre de l'éditeur. Une lettre très gentille et toute paternelle, mais d'une franchise. Il écrit qu'il voit d'après l'adresse que je suis encore au collège et m'invite, si je veux bien accepter un conseil, à suivre mes cours avec tout le zèle dont je suis capable et à ne plus rien écrire avant d'avoir reçu mon diplôme. Il joint l'opinion de son lecteur, la voici. Sujet des plus invraisemblables, caractères exagérés, dialogue sans naturel, une bonne dose d'humour, mais pas toujours du meilleur goût. Dites-lui de continuer ses essais et peut-être à la longue écrira-t-elle un vrai livre. Pas très flatteur en somme, n'est-ce pas, papa? Et moi qui pensais que j'apportais une importante contribution à la littérature américaine, je le croyais vraiment et je projetais de vous surprendre en écrivant un grand roman avant mon diplôme. J'ai réuni mes matériaux pendant que j'étais chez Julia à Noël dernier. Mais l'éditeur a sans doute raison. 15 jours ne suffisent peut-être pas pour se rendre compte des mœurs et coutumes d'une grande ville. Quand je suis sortie hier, j'ai emporté mon livre et une fois arrivée à l'usine à gaz, j'ai demandé au chauffeur s'il voulait bien m'ouvrir le four. Très poliment, il a accédé à mon désir et de mes propres mains, j'ai jeté mon roman au feu. Il m'a semblé à ce moment-là que je venais d'incinérer mon unique enfant. Je me suis couchée hier soir triste à pleurer. J'ai pensé que je n'arriverais jamais à quoi que ce soit et que vous aviez dépensé votre argent pour rien. Mais ce matin, je me suis réveillée avec en tête un joli sujet, tout neuf. Toute la journée, j'ai été occupée à disposer mes personnages et je me suis trouvée aussi heureuse que possible. On ne m'accusera pas au moins d'être pessimiste. Si j'ai quelques jours un mari et 12 enfants engloutis dans un tremblement de terre, je serai le lendemain remise de mes émotions et commencerai souriante une nouvelle collection. Affectueusement, Joujou. Le 14 décembre. Cher papa Faucheux, j'ai fait hier soir le rêve le plus comique que vous puissiez imaginer. J'étais chez un libraire et le commis m'apportait le dernier livre paru, La vie et les lettres de Jerusha Abbott. Je l'ai vu très nettement, relié en rouge, avec l'image de l'asile John Greer sur la couverture. Mon portrait à la première page avec cette dédicace. Sincèrement à vous, Joujou Abbott. Mais au moment où je tournais les pages pour voir à la fin du volume l'inscription gravée sur ma tombe, je me suis réveillée. C'est très ennuyeux. J'étais au moment de savoir qui j'épouserais et quand je mourrais. Ne croyez-vous pas que ce serait intéressant de pouvoir lire l'histoire de sa vie, écrite par un auteur parfaitement véridique et au courant de tout? Mais vous ne pourriez le dire qu'à cette condition. Ne jamais rien en oublier et être obligé de vivre toute notre vie en sachant exactement à l'avance tout ce qui doit vous arriver, de même quelle sera l'heure de votre mort. Combien de gens, croyez-vous, auraient le courage de lire? Et combien pourraient s'empêcher de satisfaire leur curiosité, même au prix de vivre sans espoir et sans surprise? La vie de toute façon est plutôt monotone. Il faut manger et dormir si souvent, mais imaginez-vous quelle monotonie mortelle ce serait si rien d'inattendu n'arrivait entre les repas. « Miséricorde, papa, voilà une tache d'encre, mais j'en suis à ma 3e page, et je ne puis pas recommencer sur une feuille blanche. Je continue la biologie cette année encore, sujet très intéressant. Nous travaillons le système digestif à présent. Si vous voyez quelle charmante section d'un duodenum de chat se trouve maintenant sous ma loupe. » Nous sommes également arrivés à la philosophie, matière intéressante mais fugitive. Je préfère la biologie, où vous pouvez au moins épingler sur une planchette les sujets en discussion. Une autre tâche, et encore une. Cette plume pleure copieusement. Prière d'excuser ses larmes. Croyez-vous au libre arbitre? Moi, oui, sans réserve aucune. Je ne suis pas d'accord avec les philosophes qui trouvent que chaque action est le résultat inévitable et automatique d'une agglomération de causes éloignées. C'est la doctrine la plus immorale que je connaisse. Personne, à ce compte, ne pourrait être blâmé pour aucune action. Si un homme professe le fatalisme, il n'a qu'à s'asseoir et dire « que la volonté de Dieu soit faite », il continuerait à rester assis jusqu'à ce que mort il tombe par terre. Je crois absolument à mon libre arbitre et à mon pouvoir d'accomplir ce que j'entreprends, et c'est cette croyance-là qui déplace les montagnes. Vous verrez quel grand auteur je vais devenir. J'ai déjà fini 4 chapitres de mon nouveau livre et 5 autres sont recopiés. Voici une lettre bien confuse. N'avez-vous pas mal à la tête, papa ? Nous allons nous arrêter maintenant pour faire une crème au chocolat. Je regrette de ne pas pouvoir vous en envoyer une portion. Elle sera vraiment supérieure cette fois-ci, car nous avons de la vraie crème et du bon beurre. Affectueusement à vous, Joujou. Post-scriptum, nous apprenons des danses de fantaisie dans la classe de gymnastique. Sans nous vanter, nous avons l'air d'un vrai corps de ballet. Quant à votre servante, elle fait des pirouettes d'une grâce exquise. Le 26 décembre. Mon cher, cher papa, à quoi pensez-vous donc ? Ne savez-vous pas qu'il ne faut pas donner 17 cadeaux de Noël à une seule jeune fille ? Je suis socialiste, ne l'oubliez pas. Voulez-vous me changer en ploutocrate ? Réfléchissez combien ce serait embarrassant si jamais nous nous brouillons. Je devrais louer une voiture de déménageur pour retourner vos présents. Je regrette que la cravate que je vous ai envoyée ne soit pas plus ferme. Je l'ai tricotée de mes propres mains, comme vous avez sans doute pu le constater. Vous ne pourrez la porter que les jours froids, ou vous la cacherez sous votre pardessus. Merci, papa, merci 1000 fois. Je crois que vous êtes l'homme le plus charmant du monde entier, et aussi le moins sérieux. Joujou. Voici un trèfle à 4 feuilles, du camp McBride, pour vous porter bonheur cette nouvelle année. Le 9 janvier. Papa, voulez-vous faire une chose qui vous assurera une place au ciel ? Il y a une famille ici dans une position désespérée. Mère, père et 4 enfants, encore visibles. Les 2 aînés ont disparu dans le monde à la recherche de la fortune. Ils n'ont jamais rien envoyé chez eux. Le père travaillait dans une verrerie, travail terriblement malsain. Il est devenu phtisique et maintenant le voilà à l'hôpital. Toutes les économies ont été mangées et c'est la fille aînée, elle a 24 ans, qui fait vivre toute la famille. Elle est couturière à la journée, gagne, quand elle gagne, 1,5 $, et le soir elle brode des chemins de table. La mère, une personne très pieuse, n'a pas beaucoup de santé et n'est d'aucun secours. Elle reste sur sa chaise, les mains croisées, comme une image de la résignation, pendant que sa fille se tue à force de surmenage, de responsabilités et de tracas. Elle ne sait pas comment ils pourront passer l'hiver, ni moi non plus. 100 $ suffiraient pour acheter du charbon et des souliers pour 3 enfants, de façon qu'ils puissent aller en classe. Et il y aurait encore un petit supplément pour que la fille ne se tourmente pas lorsqu'elle reste quelques jours sans travail. Vous êtes l'homme le plus riche que je connaisse. Ne croyez-vous pas que vous pourriez sacrifier 100 $? Cette fille mérite qu'on lui vienne en aide, beaucoup plus que moi. Je ne vous fais cette demande qu'à cause d'elle. Ce qui pourrait arriver à la mère me laisse parfaitement indifférente. C'est une méduse, cette femme-là. La façon dont certaines gens lèvent les yeux au ciel en disant « Peut-être tout est-il pour le mieux » quand ils savent pertinemment que ce n'est pas, me fait enrager. L'humilité ou la résignation, appelez-la comme vous voudrez, est tout bonnement de l'inertie impuissante. Moi, je prêche une religion plus militante. Nous avons les plus terribles leçons de philosophie, tout Schopenhauer pour demain. Le professeur ne paraît pas se rendre compte que nous faisons d'autres études que celle-là. C'est un drôle de numéro. Il se promène la tête dans les nuages et bat de l'œil, ébloui, quand de temps en temps il touche terre. Il essaie d'alléger ses conférences par des jeux de mots, et nous faisons de notre mieux pour sourire, mais je vous assure que ces plaisanteries n'ont rien de bien risible. Il passe son temps entre les classes à creuser la question de savoir si la matière existe réellement ou s'il croit seulement à son existence. Je suis sûre que ma petite ouvrière n'a aucun doute sur ce point. Où croyez-vous que soit maintenant mon nouveau roman ? Au panier. Je vois moi-même qu'il ne valait rien du tout, et lorsqu'un auteur se rend ainsi justice, que pourrait être le jugement du public ? Plus tard, je vous écris, papa, d'un lit de douleur. Depuis 2 jours, je suis malade, j'ai les amygdales enflées. Je puis tout juste avaler du lait chaud, et rien que cela. À quoi pensaient vos parents de ne pas vous avoir fait couper les amygdales quand vous étiez petite ? A demandé le docteur. Je n'en ai aucune idée, mais je crois bien qu'ils ne pensaient guère à moi. À vous, J.A. Le lendemain. Je viens de relire ma lettre avant de la cacheter. Je ne sais pas pourquoi je vois la vie dans une telle atmosphère de brouillard. Je m'empresse de vous dire que je suis jeune, heureuse et exubérante, et j'espère que vous êtes dans les mêmes conditions. La jeunesse n'a rien à faire avec les anniversaires. Tout dépend de l'état de votre esprit. On peut avoir des cheveux gris, papa, et être toujours un gosse. Affectueusement, Joujou. Le 12 janvier. Cher monsieur le philanthrope, votre chèque pour ma famille est arrivé hier. Que de remerciements! Je l'aurais porté aussitôt après le déjeuner, car j'ai séché le gymnase, et vous auriez dû voir la tête de la grande fille. Elle était tellement surprise, heureuse et réconfortée, qu'elle avait presque l'air jeune, et elle n'a que 24 ans, que c'est triste. En tout cas, elle éprouve maintenant que toutes les bonnes choses arrivent ensemble. En effet, elle a du travail pour 2 mois, des gens se marient et elle a le trousseau à faire. « Merci, bon Dieu !» s'écria la mère lorsqu'elle comprit que ce bout de papier valait 100 $. « Ce n'est pas le bon Dieu du tout, lui dis-je. C'est papa Faucheux. » J'ai dit « Monsieur Smith ». « Mais c'est le bon Dieu qui lui en a donné l'idée, » dit-elle. « Pas du tout. C'est moi qui la lui ai donnée, cette idée-là. » « Mais de toute façon, papa, j'espère que le bon Dieu vous récompensera convenablement. Vous méritez une exemption de 10 000 ans de purgatoire. À vous, très reconnaissante, Jerusha Abbott. » Le 15 février. Plaise à votre excellente majesté. Ce matin, j'ai déjeuné d'un pâté de dinde froide et d'un quartier d'oie, et j'ai envoyé quérir une tasse de thé, façon de boisson chinoise, dont je n'avais jamais goûté jusqu'à ce jour-d'hui. Ne vous frappez pas, papa, je ne suis pas devenue folle. Je cite seulement Samuel Pepys. Nous le lisons dans les cours de l'histoire anglaise, source originale. Sally, Julia et moi, nous ne parlons plus maintenant que la langue de 1660. Écoutez plutôt, je me suis rendue à Charing Cross voir pendre, étirer et écarteler le major Harrison. Il avait la mine aussi réjouie que jamais homme pût l'avoir en telle conjoncture. Et ceci encore, dîner avec My Lady. Elle avait un habit de deuil le plus galant du monde. Son frère, en effet, est mort hier de la fièvre pourprée. Un peu tôt, n'est-ce pas, pour recevoir à dîner. Un ami de Pepys a trouvé un procédé fort habile qui permettra au roi de s'acquitter de ses dettes. Il s'agit simplement de vendre aux pauvres gens des aliments avariés. Je ne crois pas qu'aujourd'hui nous soyons tout de même aussi méchants, quoi qu'en disent les journaux. Samuel s'intéressait autant à sa toilette que s'il avait été femme. Il dépensa 5 fois plus que son épouse en beaux habits. Cette époque paraît avoir été l'âge d'or des maris. Lisez cette petite note touchante. Vous allez voir comme il était honnête. Aujourd'hui, on m'a apporté un beau manteau de camelette avec des boutons d'or. Il vaut très cher et je prie le bon Dieu de me mettre à même de pouvoir le payer. Pardonnez-moi de vous parler tant de Pepys. J'écris une étude sur lui. Que dites-vous de ceci, papa? L'association du self-government a aboli le règlement des 10 heures. Nous sommes libres de ne pas éteindre nos lumières de la nuit si nous ne le voulons pas. Tout ce qu'on nous demande est de ne pas déranger nos voisins. Nous sommes censés, d'ailleurs, ne pas donner de grandes soirées. Ceci permet une jolie observation sur la nature humaine. Maintenant que nous pouvons veiller aussi tard qu'il nous plaît, il ne nous plaît plus. À 9 heures, nous somnolons déjà. Et à 9h30, la plume tombe de nos mains endormies. Il est 9h30 à présent. Bonne nuit. Dimanche. De retour à l'église, prédicateur de Géorgie. Il faut avoir soin, dit-il, de ne pas développer notre intelligence aux dépens de notre sensibilité naturelle. Il m'a semblé que c'était un sec et pauvre sermon, Pepys encore, de quelque région des États-Unis ou du Canada, qu'ils viennent, à quelque église qu'ils appartiennent, ils nous prêchent toujours le même sermon. Mais pourquoi diable ne vont-ils pas dans les écoles persuader les jeunes gens de ne pas étouffer leur qualité virile sous trop de travail intellectuel? Nous avons une belle journée, givre, glace, lumière. Aussitôt après le dîner, Sally, Julia, Mary Keane et Léonore Pratt, des amis, vous ne les connaissez pas, et moi, nous allons mettre des jupes courtes et nous promener à travers champs jusqu'à la ferme de Crystal Spring, où nous souperons de poulets frits et de gaufres. Ensuite, nous demanderons à M. Crystal Spring de nous reconduire dans sa carriole. À 7 heures, nous devrons être rentrés au campus, mais ce soir, nous ferons une exception à la règle, et 7 seront 8. Adieu, cher monsieur, j'ai l'honneur de dire, votre très loyale, très fidèle et très obéissante servante, Jerusha Abbott. Le 5 mars. Cher monsieur le membre du comité, c'est demain le premier mercredi du mois, journée fatigante pour l'asile John Greer. Comme ils seront contents quand sonneront 5 heures et qu'après leur avoir tapoté les joues, vous, du comité, vous serez tous partis. M'avez-vous jamais tapoté les joues, à moi personnellement, papa? Je ne le crois pas. Il me semble que j'ai plutôt gardé le souvenir de gros et gras messieurs. Faites, je vous prie, mes amitiés à l'asile, mes amitiés sincères. Je me sens vraiment de la tendresse quand je le regarde après 4 années à travers la brume du temps. Au début, à mon arrivée au collège, j'ai éprouvé un sentiment de rancune pour avoir été privée de l'enfance qu'ont naturellement les autres petites filles. Mais maintenant, je n'ai plus le même sentiment et je pense à tout cela comme à une aventure peu banale. J'y trouve une sorte de point de repère d'où je puis contempler la vie. Comme j'étais déjà grande quand j'ai quitté l'asile, j'ai pu avoir une vision du monde que n'auront jamais ceux qui se sont toujours trouvés au fort de la mêlée. Je connais quantité de jeunes filles, Julia entre autres, qui ne se rendent pas compte qu'elles sont heureuses. Elles sont tellement habituées à la sensation du bonheur qu'elles ne le sentent même pas. Mais moi, je sais à tout moment de la journée que je suis heureuse. Et je veux continuer à l'être, en dépit de tout ce qui peut m'arriver de désagréable. Je vais envisager les choses de cette espèce, mots dedans inclus, comme des expériences intéressantes que je me réjouis d'avoir eues. Sous quelque ciel que je me trouve, j'ai un cœur prêt à tout destin. Cependant, papa, ne prenez pas trop à la lettre cette nouvelle affection pour la JG. Si j'ai 5 enfants, comme Rousseau, je ne les abandonnerai pas sur les marches d'un hospice afin qu'ils soient élevés avec simplicité. Mes meilleurs souvenirs à Madame Lippette, je crois que c'est le mot juste. Mes tendresses seraient un peu trop. Et n'oubliez pas de lui dire quelle jolie nature s'est développée en moi. Affectueusement, Joujou. Lock Willow, le 4 avril. Cher papa, avez-vous remarqué le timbre de la poste ? Sally et moi embellissons Lock Willow de notre présence pendant les fêtes de Pâques. Nous avions décidé que nous ne pouvions pas mieux employer nos 10 jours qu'à venir ici trouver le calme. Nos nerfs étaient dans un tel état que nous ne pouvions plus prendre un repas dans notre Ferguson. Dîner dans une salle avec 400 jeunes filles est une épreuve insupportable quand on est fatigué. Le bruit est tel que vous ne pouvez pas entendre vos vis-à-vis, à moins qu'elles ne fassent un porte-voix de leurs mains et ne crient de toute leur force. C'est la vérité vraie. Nous grimpons les collines, nous lisons, nous écrivons et nous passons de bons moments bien reposants. Nous sommes montés ce matin au sommet de Sky Hill, à ce même endroit où M. Jervy et moi sommes venus une fois faire cuire notre souper. Dire qu'il y a presque 2 ans de cela. Je pouvais encore reconnaître la place où la fumée de notre feu avait noirci le rocher. C'est drôle comme on associe certaines personnes à certains endroits. On ne revoit jamais les uns sans penser aux autres. De me retrouver là, je me suis sentie seule sans lui, pendant 2 minutes. Devinez, papa, quelle est ma dernière occupation. Vous allez penser que je suis incorrigible. J'écris un livre. Je l'ai mis en train, il y a 3 semaines, et je l'avale par gros morceaux. J'ai attrapé le secret. Monsieur Jervy et ce monsieur éditeur avaient raison. On a prise sur les gens quand on parle des choses qu'on sait. Et cette fois-ci, il s'agit de ce que je connais, de fond en comble. Savez-vous où cela se passe? À l'asile John Grier. Et c'est bien, papa, je crois vraiment que c'est bien. Rien que les menus événements de la vie quotidienne. Je suis réaliste à présent. J'ai abandonné le genre romanesque. J'y reviendrai cependant plus tard, quand se déroulera mon avenir plein d'aventures. Il faut que ce livre soit fini et publié. Vous verrez qu'il le sera. Si l'on veut bien ce qu'on veut, et qu'on ne lâche pas prise, on y arrive. Voilà 4 ans que je me cramponne à l'espoir de recevoir une lettre de vous. Et je continue à espérer. Au revoir. Papa chéri, affectueusement, Joujou. Post-scriptum, j'ai oublié de vous dire les nouvelles de la ferme. Mais elles sont très pénibles. Sautez ce post-scriptum si vous voulez ménager votre sensibilité. Le pauvre vieux Grover est mort. Il était à ce point décrépit qu'il ne pouvait plus mâcher. Il a fallu le tuer. 9 poulets ont été massacrés la semaine dernière par une belette, une fouine ou un rat. Une des vaches est malade. Nous avons dû faire venir le vétérinaire de Bonairig, Four Corners. Amasai a passé la nuit pour lui donner de l'huile de lin et du whisky. Mais nous avons un terrible soupçon que la pauvre malade n'a dû boire que l'huile de lin. Le Sentimental Tommy, le chat, écaille de tortue, a disparu. Et on craint qu'il n'ait été pris dans quelque piège. Nombreuses sont les tristesses de ce monde. Le 17 mai. Cher papa Faucheux, cette lettre va être excessivement courte, car mon épaule me fait mal à la seule vue d'une plume. Note de conférence toute la journée. Travailler à mon célèbre roman toute la soirée. C'est vraiment trop d'écriture. Distribution des diplômes dans 3 semaines, à partir de mercredi prochain. Il me semble que vous pourriez venir et faire ma connaissance. Je vais vous haïr si vous ne venez pas. Julien invite M. Jervy, puisqu'il est sa famille. Sally invite Jimmy McBride, puisqu'il est sa famille. Et moi, qui ai-je à inviter ? Rien que vous et Mme Lippett, et je ne veux pas d'elle. Venez donc, je vous en prie. À vous, avec mes amitiés et la crampe de l'écrivain. Joujou.